Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. De Benjamin Franklin, les Français savent généralement qu'il a été un grand inventeur, un grand homme politique et le premier ambassadeur à Paris des États-Unis d'Amérique. Alors pour apprendre le reste, le mieux, c'est encore d'écouter Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons voir que Benjamin Franklin était aussi imprimeur, penseur, franc-maçon, séducteur et fondateur de la première compagnie américaine de pompiers. Nous allons suivre ses pas lors de sa mythique arrivée à Paris en 1778. Et votre invité aujourd'hui, c'est André Caspi. Et oui, André Caspi qui nous fait la joie de sa présence et qu'on ne présente plus aux auditeurs d'Europe 1. Lorena Marta marchera ensuite à Philadelphie dans les pas de Franklin et nous irons notamment à la City Tavern pour assister au dîner des pères fondateurs. C'était en 1787, il y a belle lurette. Ah, vous dites ça parce que le retour aux origines du jour porte sur l'expression belle lurette. Eh oui, mais je le dis aussi parce que c'est la vérité. Cher Benjamin Franklin, inénarrable Benji, si vous me passez cette familiarité, le monde entier vous doit l'invention, entre autres, du paratonnerre. Les États-Unis vous doivent largement leur déclaration d'indépendance. L'État de Pennsylvanie, une infinité d'institutions. Nous verrons tout cela tout à l'heure avec André Caspi. Quant à nous autres Français, nous vous devons, Monsieur Franklin, quelques pages charmantes de notre histoire. Fermez les yeux si vous n'êtes pas au volant. Et imaginez que nous sommes le premier jour du printemps 1778 avec Versailles, à la cour un peu flottante et très rajeunie de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Voyez là donc cette foule soyeuse et poudrée, bourdonnante. Les messieurs en tricorne à plumes, les dames aux coiffures alambiquées, cette foule retenue par un cordon de garde française et qui joue des coudes pour apercevoir le phénomène du jour. Et oui, on bruit, on chuchote. Cet envoyé que les tout nouveaux États indépendants de l'Amérique du Nord, cet émissaire que les 13 colonies insurgées viennent d'adresser à Sa Majesté le roi très chrétien, son nom est sur toutes les lèvres, Benjamin Franklin. C'est le chroniqueur Bachaumont, une fois de plus, qui nous le dit, je le cite, « La mode est aujourd'hui d'avoir une gravure de Monsieur Franklin sur sa cheminée, comme on avait autrefois un pantin. » Son portrait, il est vrai, est partout, reproduit sur les tabatières, sur le fond des assiettes, porté en médaillon sur les vêtements, arboré en effigie dans les vitrines des boutiques, avec ses besicles, ses cheveux raides, ses costumes de drap brun, tout simple. Il incarne une certaine image de simplicité, une certaine image de droiture que les Français du XVIIIe siècle prêtent volontiers aux colons anglais de l'Amérique du Nord. C'est un peu un fantasme américain que véhicule cet homme-là. Or, le voilà. Franklin, le voilà qui s'avance maintenant au milieu des vivats, car la foule même des courtisans ne retient pas ses applaudissements. Il est là, au milieu d'eux, en chair et en os. Certains courtisans, disons-le, sont un peu déçus de la tenue, forcément. Mais il est en quaker. Eh oui, assez complaisamment, Benjamin Franklin a laissé courir ce bruit folklorique. Il serait habillé en quaker. On verra tout à l'heure qu'il n'en était rien, en vérité. Mais on dirait un fermier, remarque cette dame très titrée. La remarque, en l'occurrence, est de Madame Vigée-Lebrun, dame peintre qui, par ailleurs, exécute les beaux portraits de la reine. Le bonhomme Franklin, c'est vrai, est sans perruque. Sa tête est si grosse qu'on n'a pas trouvé de perruque à sa taille, dit-on. Il faut vous dire que les mots sur le personnage courent volontiers. Alors, il a de grands cheveux gris, raides, qui lui descendent jusqu'aux épaules. Personne n'ose ouvertement en rire. On n'en rit pas parce que, tout simplement, on l'admire, Benjamin Franklin. N'a-t-il pas, un quart de siècle plus tôt, été le premier à proposer un plan d'union des colonies d'Amérique du Nord contre la couronne britannique? N'est-il pas, avec Jefferson et Adams, bien entendu, un des éminents rédacteurs de la Déclaration d'indépendance de 1776? Ce texte qui, en France même, fait rêver tant de gens. Dans le pays des Lumières, en période pré-révolutionnaire, cela compte, ce genre d'exploit. Depuis près de 2 mois, Franklin a signé avec notre ministre des Affaires étrangères, avec Vergennes, un accord de commerce et d'amitié, le premier traité franco-américain, si l'on veut, d'une certaine manière. Et grâce à lui, et certains fâcheux diraient à cause de lui, dans quelques semaines, le roi de France va déclarer la guerre au roi d'Angleterre, une guerre pour l'indépendance américaine qui va coûter très cher aux finances du royaume, qui va coûter politiquement très cher à la monarchie, mais qui rapportera, me direz-vous, à la France, d'une certaine façon, une gloire éternelle. Benjamin Franklin chemine au milieu de cette foule. Dans son costume tout simple de velours, avec ses gros souliers à boucles d'argent, l'homme se rend chez le roi. Il appuie sa lourde carcasse sur une canne, il porte son chapeau. Et notez bien que le chapeau de M. Franklin est un chapeau sans plumes, ce qui, dans la foule bigarrée des courtisans versaillais, le fait remarquer d'autant plus. Il porte son chapeau sous le bras, les autres membres de la délégation américaine le suivent à deux pas. Il semblait des laquais parés, ça s'appelle un lundi, vous savez, des laquais parés suivant un patriarche. La notation est d'un des grands mémorialistes du début de ce règne, le duc de Crouy. Alors pour les tout jeunes, pour les balbutiants États qui vont bientôt constituer les États-Unis d'Amérique, c'est important, c'est même essentiel cette ambassade à Versailles, auprès du plus grand roi d'Occident à l'époque. Franklin ne s'y trompe pas, il tremble de tous ses membres et ne pourra retenir deux grosses larmes en entrant dans le cabinet du Conseil. Les ambassadeurs des 13 provinces unies, c'est évidemment le premier gentilhomme de la Chambre qui a fait l'annonce, comme les aboyeurs le feront un siècle plus tard. Révérence, politesse, Louis XVI prend la main du géant. « Messieurs, dit-il, je souhaite que vous assuriez le congrès de mon amitié. J'espère que ceci sera pour le bien des deux nations. » J'aime beaucoup cette expression d'amitié utilisée par tous les rois depuis Saint-Louis et peut-être même avant cela. C'est quasiment une marque dans la bouche des rois de France. Réponse de Benjamin Franklin au roi Louis XVI. « Votre Majesté peut compter sur la reconnaissance du congrès et sur la fidélité des engagements qu'il prend. » En fait, il a prononcé tout ça avec un accent terrible que je n'ose imiter, accent à couper au couteau. Qu'importe, tout le monde est content, la journée sera radieuse, et même la reine en personne, Marie-Antoinette, va inviter les Américains à prendre part à son jeu, c'est vous dire s'ils sont bien en cours. Quel chemin parcouru par l'Américain et par ses deux acolytes depuis le débarquement en France, il y a maintenant presque 2 ans, non, on va dire un peu moins de 2 ans plus tôt, c'était en décembre 1776, et nous y venons dans un instant. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous parlez de Benjamin Franklin. Dans un instant, vous allez nous raconter ce voyage en France qu'il a effectué. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne sur un détail de sa vie. Il me semble de souvenir qu'il était franc-maçon. Est-ce que ça a joué un rôle dans son parcours ? Ah oui, vous avez raison, un rôle absolument essentiel. Ça va déterminer une part de sa pensée et de son comportement dans la vie. Nous y reviendrons tout à l'heure avec André Caspi quand nous évoquerons tous les aspects de la vie de Benjamin Franklin. Car moi, je me focalise sur le voyage, célèbre voyage en France en 1778, mais il y a tellement de choses qui précèdent. Il a 70 ans en 76 lorsqu'il arrive en France au tout début. Hein. Alors, pour répondre à votre question, il a d'abord adhéré à la loge Saint-John de Philadelphie, qui se réunissait à la taverne du Dragon Vert. Et là, le fait d'être imprimeur va jouer un rôle très important. D'ailleurs, en 1733, lui-même va imprimer les constitutions d'Anderson, qui est une sorte de charte de la franc-maçonnerie, si vous voulez. Il restera toute sa vie fidèle à cette loge mère, hein, cette loge Saint-John, centrée sur des activités que nous qualifierions, nous, aujourd'hui, d'humanitaires, si vous voulez. Et puis, en 1749, il est élu grand maître de la Grande Loge de Pennsylvanie, et ça va l'amener à retourner en Angleterre pour assister à la réunion de la Grande Loge d'Angleterre. Il faut vous dire qu'il a fait 2 voyages à Londres pour défendre les droits de l'Assemblée de Pennsylvanie contre la famille Penn, qui, à l'époque, se trouve être concessionnaire de cette colonie. Il connaît bien Londres, il s'intéresse donc de près aux questions politiques, et on peut dire que c'est à partir de là qu'il va se mêler directement des affaires de la cité. Donc, avant de revenir sur ces aspects préliminaires, j'aimerais vous raconter l'arrivée même de Benjamin Franklin. On est un soir de décembre 1776 dans la baie de Quiberon, et voilà une petite barque qui accoste. Il y a quelques badauds sur la grève qui voient descendre un monsieur donc de 70 ans, très grand, coiffé d'un curieux bonnet de fourrure. Il est accompagné par 2 adolescents qui sont ses 2 petits-fils, enfin 2 de ses petits-fils. Benjamin Franklin Bache, on en parlera, qui a 7 ans à l'époque, qui est le fils d'une de ses filles, et puis ce William Temple, qui est en fils et petit-fils d'enfant naturel, on aura lui aussi l'occasion d'en parler. Alors, Ils descendent de cette barque, mais il y a une frégate au large, bien entendu, la frégate Reprisal, qui vient de faire 38 journées d'une traversée pour le moins mouvementée, qui voulait gagner Nantes en bateau par la Loire, mais qui n'a pas pu le faire. Officiellement, la raison de l'arrivée de Benjamin Franklin sur le territoire du royaume, ce sont des raisons de santé. Mais la vérité, c'est qu'il est un agent d'influence. N'oubliez pas que lorsque commence la guerre d'indépendance de l'autre côté de l'Atlantique, les insurgents manquent de tout, d'armes, d'argent, de navires, de musiciens, de munitions. Or, la France a été humiliée littéralement par sa grande, lourde défaite face à l'Angleterre dans la guerre de 7 ans. Rappelez-vous le désastreux traité de Paris en 1763, donc 13 ans plus tôt seulement. Et l'idée de la France, c'est de prendre une revanche sur l'Angleterre. Le Congrès de Philadelphie, qui est l'instance dirigeante des 13 colonies révoltées, a décidé donc d'envoyer au roi de France le plus illustre de ses citoyens. « Je suis vieux et bon à rien, mais comme disent les marchands de leur fond de pièces, je ne suis qu'un coupon et vous pourrez m'avoir pour ce que vous voudrez. » Voilà la déclaration qu'avait faite Benjamin Franklin, tout à fait volontaire bien entendu. Il la connaît la France, hein. Il est venu deux fois déjà en 1767 et 1769. Il en parle la langue, même si je vous l'ai dit, c'est avec un bien fort accent. Il a été reçu par le roi Louis XV en personne, qui à l'époque l'avait félicité pour l'invention du paratonnerre. Il a noué des liens avec toutes sortes de hautes personnalités, avec des grands penseurs, avec Buffon, avec Quesnay, avec Turgot, avec Mirabeau, etc. Les physiocrates le connaissent bien. Et lui les connaît bien. À Versailles, il descend à l'auberge de la Belle Image, où il retrouve un compatriote, le blond et jovial Dean, qui est un riche commerçant du Connecticut, déjà envoyé pour négocier avec Vergennes la signature d'un traité de commerce. Seulement, Dean ne parle pas un traître mot de français. Vous avouerez que pour mener, surtout avec un homme comme Vergennes, de hautes négociations diplomatiques, c'est quand même un inconvénient de taille. Le 28 décembre, Franklin est donc reçu par Vergennes. Puis il va se présenter dans un salon plutôt anglophile, celui de Madame du Deffand. N'oubliez pas que Madame du Deffand vivait cette passion très anglophile, si je puis dire, avec Horace Walpole. Hein. Nous avons eu l'occasion d'en parler il n'y a pas si longtemps à ce même micro. Et Benjamin Franklin, malgré la gaucherie apparente d'un personnage qui a l'air comme ça toujours un peu de guingois, va charmer l'assistance par la finesse de son esprit, par la pénétration de cet esprit et par cet humour qui l'accompagne sans cesse. Néanmoins, c'est dès ce soir-là que commence le duel à fleuret moucheté avec l'ambassadeur d'Angleterre, avec Lord Stormont, qui évidemment surveille de très près notre personnage. Des pamphlétaires appointés par le ministre de sa gracieuse majesté vont s'en donner à cœur joie contre ce physicien spécialiste de la foudre. Je vous lis une épigramme, mais il y en aurait tellement à vous lire. « Sur l'Amérique consternée, plaçant le bout d'un conducteur, de l'autre à l'Europe étonnée, il lance le feu destructeur. Caméléon octogénaire, son esprit se ploie aisément. De la France et de l'Angleterre, ce fourbe rit également. » Eh oui, il s'agit de lui savonner la planche, si vous me passez l'expression. Il n'empêche, le sage de Boston, comme tout le monde se met vite à l'appeler, est populaire. Houdon, le grand sculpteur Houdon, décide de faire son buste. Greuze va venir le peindre et il le figurera dans l'accordé de village. En tout cas, c'est ce que pensent un certain nombre de spécialistes. Il s'installe lui-même sur la colline de Passy, dont il est censé prendre les eaux, parce qu'il faut quand même justifier ce voyage. Officiellement, il est à l'hôtel de Valentinois, qui a été mis à sa disposition par un financier ami des Américains révoltés. Grande maison, très confortable, avec un grand parc. On l'y entend jouer de l'harmonica. Évidemment, ça change un peu des airs de harpe habituels. On le voit souvent tout près de là, à Auteuil, chez Madame Helvétius, qui habite tout près de Notre-Dame d'Auteuil. Bref, c'est un homme qui fait courir le tout Paris de l'époque, disons-le. Il est également assidu à la loge maçonnique des Neuf Sœurs, pour répondre un peu plus à votre question, Anissa. Mmh. Et il va croiser là, notamment, le futur maire de Paris, Bailly, vous savez, qui va finir mal, et qui rêve de devenir lui-même une sorte de Franklin à la française. C'est lui dont les émeutiers du 14 juillet, après la prise de la Bastille, promèneront la tête au bout d'une pique. Alors l'ambassadeur d'Angleterre s'inquiète, et il s'inquiète à bon droit. Lord Stormont multiplie les annonces pour montrer l'Angleterre d'ores et déjà victorieuse des rebelles américains. On demande à Franklin si les nouvelles rapportées par l'ambassadeur sont des vérités. « Des vérités ? Non, dit-il, ce sont des Stormonts. » Et le mot va faire fureur. Tout le monde se met à parler de Stormont, des Stormontades, etc. Et quand on veut dire un mensonge ou une rodomontade, désormais on parle de Stormontades et ça fait beaucoup rire. Mais jusque dans le cercle de la reine. Enfin, demandaient à l'ambassadeur les partisans discrets de l'Angleterre, enfin, n'allez-vous pas répondre ? Le général O s'en charge, répond l'ambassadeur. Eh oui, c'est vrai, O était en train sur place de remporter victoire sur victoire dans une Amérique qui avait le plus grand mal à lui tenir tête. Est-il vrai que O ait pris Philadelphie ? Demande-t-on à Benjamin Franklin. Non, c'est Philadelphie qui a pris O, dit-il. Pour le moment, les Français n'interviennent pas. Louis XVI hésite encore. Et le bonhomme Franklin, ne manque pas de lucidité. Grimm rapporte cette boutade à un Français tout à fait distingué qui, dans un grand souper, lui lançait « Il faut avouer, monsieur, que c'est un grand et superbe spectacle que l'Amérique nous offre aujourd'hui. » Il répond aussitôt « Oui, mais les spectateurs ne paient point. » C'est bien ça le problème. Heureusement, quelques initiatives plus ou moins clandestines, notamment celle de Beaumarchais, qui a créé une compagnie commerciale dans le but d'envoyer aux insurgents des armes et des munitions, vont permettre d'aider un peu et vont aller dans le sens de Franklin. En attendant, il tâche de ne pas trop ronger son frein, d'occuper ses longs loisirs comme il l'avait toujours fait, c'est-à-dire en prenant du bon temps. C'est un séducteur invétéré. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir sur les très nombreuses conquêtes qu'il a pu faire pendant le temps pendant toute sa vie. Il va avoir un peu plus tard une liaison avec Madame Brion de Jouy, qu'il a surnommée Brillante. Faut dire que comme il dit Brayant lui-même, on peut pas trop savoir de quoi elle parle. J'ai terriblement faim de vous et vous ne m'avez encore rien donné à manger, dit-il à cette dame. Vous qui, en toutes vertus morales et chrétiennes, êtes aussi riche qu'un archevêque, vous pourriez en sacrifier une petite portion sans qu'il en résulte pour vous un appauvrissement sensible. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous proposez de revivre le voyage en France de Benjamin Franklin. On est à la fin du XVIIIe siècle, 1778. Il y a plusieurs événements pendant ce voyage, dont l'arrivée d'un envoyé du Congrès américain. Oui, un an après l'arrivée de Franklin lui-même, donc on est en décembre 77, et là on apprend la capitulation de 5000 Anglais à Saratoga. Autrement dit, l'espoir change de camp. Et Vergennes va tenter d'expliquer à Louis XVI que c'est maintenant ou jamais. Le roi se laisse convaincre, d'accord, il va reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique et il va signer avec leurs représentants un traité de commerce. Vous imaginez, ça donne une toute autre ampleur à la visite de Monsieur Franklin. Et c'est dans ce contexte, bien sûr, que s'inscrit la célèbre audience dont je vous parlais tout à l'heure, cette audience à Versailles. Et quelques jours après la consécration, Franklin va être reçu par un autre roi français, si j'ose dire, le roi des lettres, Voltaire, le vieux philosophe dont c'est l'ultime et glorieux voyage dans la capitale et qui va mourir quelques jours plus tard, lève le bras vers le front du gamin, hein, d'un des petits-fils de Franklin, qui s'appelle Temple. Il bénit l'adolescent au nom de Dieu et de la liberté, dit-il. Voyez déjà, je cite Bernard Fay, « On oubliait que Monsieur de Voltaire ne croyait guère en la liberté et pas du tout en Dieu, pour ne voir là que la superbe union de tout ce qu'il y avait de plus grand sur terre. L'esprit le plus hardi, Voltaire, avec l'esprit le plus sage, Franklin, sous l'égide des deux plus grands principes, Dieu et la liberté. » Voltaire va évidemment voler, si je puis dire, la vedette à Benjamin Franklin lorsqu'il s'agira de trouver un père à la Révolution, mais nous pourrons tout à l'heure nous poser quand même la question, évidemment. Franklin, le savant de Boston, comme l'appellent les gazettes, achève en triomphe sa visite, sa mission diplomatique. Le roi de France vient de reconnaître le nouvel État américain. Il ne va plus tarder à mettre ses vaisseaux et ses troupes au service de l'indépendance. Et pour les deux grandes nations, la déjà vieille et la toute jeune, c'est le début de cette solidarité qui, bon an, mal an, persiste jusqu'à nos jours. La mission en France de Benjamin Franklin ne s'arrête pas à sa réception par Louis XVI à Versailles, il s'en faut. Les combats entre les rebelles américains, maintenant aidés par la France, vous l'aurez compris, et les Anglais vont faire rage dans les années qui suivent. Ils se prolongeront jusqu'à la victoire décisive de Washington et de Rochambeau, devrais-je dire, à Yorktown en 1781. Franklin va quand même rester longtemps à Paris. Il signe le traité de Paris en 1783. Il y reste jusqu'en juillet 85. Il sera remplacé dans son poste par Thomas Jefferson et quittera Paris donc en juillet 85 dans une litière royale mise à sa disposition par Louis XVI afin de rendre la route jusqu'au Havre moins pénible à son grand âge. Évidemment, on l'a fait, mais par politesse, on s'est bien gardé de le dire. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Bonjour André Caspi. Bonjour. J'ai présenté un Benjamin Franklin vieillissant, pour ne pas dire âgé pour l'époque. Il est en train de mener une grande mission diplomatique pour le compte des tout jeunes États-Unis. Mais il y a eu un autre Benjamin Franklin, si je puis dire. Cet homme-là a vécu avant pendant 70 ans et ce sont 70 années bien remplies. Est-ce qu'il est aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, là en 2018, est-ce qu'il est aujourd'hui un des héros américains? Est-ce qu'il fait partie des références pour les Américains? Indéniablement, Benjamin Franklin fait partie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des pères fondateurs. Mais il lui a manqué quand même quelque chose. Il n'a jamais été président des États-Unis. Et il n'a pas eu, si vous voulez, la destinée de George Washington, ou de Jefferson, de Thomas Jefferson. Il est resté l'homme le plus connu du XVIIIe siècle venant d'Amérique, mais il n'a pas réussi à convaincre ses compatriotes de l'efficacité de son action. C'est très curieux parce que, au fond, Benjamin Franklin est beaucoup plus populaire à cette époque en France qu'il ne l'est aux États-Unis. Et la meilleure preuve, c'est que quand il retourne en 1785, il a quand même réussi magnifiquement sa mission. Il est resté pendant 9 ans à Paris. Et avant même d'être à Paris, il a vécu 18 ans à Londres. C'est-à-dire qu'il a été le représentant éternel, pourrait-on dire, des colonies d'abord, des États-Unis ensuite. Et pourtant, quand il retourne en 1785, disons que son influence est limitée. Oui, bien sûr, on l'honore parce que il est âgé. En 1786, il a quand même déjà 80 ans. Mais on lui confie des présidences, on l'écoute racontant ses anecdotes, mais il n'a pas véritablement marqué les tout débuts de l'histoire des États-Unis, et c'est en ce sens que l'on peut dire que il lui manque quelque chose. Il n'empêche que beaucoup de comtés aux États-Unis portent le nom de Franklin, que deux présidents des États-Unis ont eu comme prénom Franklin, Franklin Pierce au 19e siècle, et puis Franklin Roosevelt au 20e siècle. Ça veut donc dire que c'est un personnage assez curieux, et c'est un personnage qui, malgré tout, doit retenir notre attention parce que il a une qualité, et une qualité formidable. C'est un excellent communicant. C'est-à-dire qu'il sait comment influer sur une opinion. Il a le sens du mot, notamment. Il a le sens du mot, il a le sens de l'habit, il a le sens, en somme, des relations. Il a fait un travail extraordinaire pendant son séjour à Paris. Et de ce point de vue-là, je crois que l'amitié franco-américaine lui doit beaucoup. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Benjamin Franklin et nous allons aller plus loin. Nous allons découvrir sa vie grâce à votre invité Franck Ferrand. Vous recevez le professeur émérite à la Sorbonne, André Caspi, qui est aussi l'auteur des présidents américains de Washington à Obama, un livre écrit avec Hélène Arter, paru chez Talendier. Quand naît Benjamin Franklin, son prénom nous indique qu'aux yeux de ses parents, il est le dernier. Il est le 15e fils de son père, avec deux mariages différents. Il y en aura encore deux après lui, en fait. Ils seront 17 en tout. Oui, mais alors, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est qu'il est né à Boston. Eh oui. Il n'est pas quaker, il est presbytérien. Mais sa vie à Boston ne semble pas être très prometteuse. Alors, il quitte Boston et il va s'installer à Philadelphie. Quand vous dites qu'il n'est pas quaker, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'une famille puritaine, disons les choses. Non, c'est-à-dire que le protestantisme est divisé. Eh oui. En différentes confessions, congrégations. Oui. Et la congrégation de Benjamin Franklin, ça n'est pas celle des Quakers, c'est celle des presbytériens, je le répète. Ce qui veut donc dire que, déjà, il y a quelque chose de mystérieux dans cette affaire, c'est que les Français ont tous considéré qu'il était Quaker. Et pourquoi ? Il l'a laissé dire. Et pourquoi ? Parce que Voltaire avait publié les lettres philosophiques dans lesquelles il y a un chapitre sur les Quakers, leur simplicité, leur fraternité, bref. Et Philadelphie, c'est le nom d'une ville qui indique l'amitié, l'amour des frères. C'est le sens même du mot. Il est à Philadelphie. Et à Philadelphie, Benjamin Franklin devient imprimeur. C'est extrêmement important. Parce que, en tant qu'imprimeur, cela veut dire au fond qu'il diffuse des nouvelles, mais aussi qu'il rédige notamment l'almanach du bonhomme Richard, avec toute une série de conseils très simples. Par exemple, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Et puis, il donne des recettes de cuisine, des recettes d'exploitation de la terre, c'est-à-dire quelque chose qui va directement au peuple. Vous avez parlé tout à l'heure du bonhomme Franklin, mais c'est le bonhomme Richard qui apparaît aux yeux des Français lorsqu'on le connaît par cela. En même temps, c'est un homme qui n'a pas de connaissances scientifiques très poussées, mais qui adore les expériences. Alors, il fait des expériences, et notamment sur l'électricité. C'est comme cela qu'il a découvert la foudre. Il a arraché au ciel la foudre et le sceptre au tyran. Ça, c'est Turgot qui le définit ainsi. Bon, autrement dit, c'est déjà une découverte fondamentale. Il a arraché au ciel la foudre parce qu'il a créé le paratonnerre. Exactement. Il ne faut pas oublier les impressionnants dégâts causés par la foudre avant cette invention, quand même. Parce qu'au fond, il a été un véritable sauveur. Bah, oui. Et aussi bien du côté français que du côté américain, ou que du côté anglais, on lui reconnaît cette qualité. Oui. C'est-à-dire qu'il connaît beaucoup de scientifiques. Il est membre des académies de sciences. Vous parliez tout à l'heure de sa rencontre avec Voltaire, mais cette rencontre s'est faite à l'Académie des sciences. Et là, les deux hommes se sont finalement embrassés, et l'on a déclaré que Solon avait rencontré Sophocle. Solon, c'est Franklin. Sophocle, c'est Voltaire. Mais pour en revenir à sa carrière... Voltaire, à l'époque, passait pour un dramaturge avant tout. Oui, c'est vrai. Mais on peut dire d'ailleurs que... D'où Sophocle. N'est pas ce qu'il a réussi non, de mieux. Certes. Mais il est certain qu'une fois qu'à Philadelphie, il y a imprimeur, il devient maître des postes. Et maître des postes, ça veut dire qu'il communique avec les autres colonies. Et c'est une fonction de postmaster général qui est importante, je dirais même primordiale, dans un temps où les communications étaient extrêmement difficiles. Oui, il est au point crucial d'échange des informations, c'est essentiel. Exactement. Ça, bien sûr. Et c'est comme cela qu'il entre dans le monde politique. Comment est-ce qu'il a décroché ce poste des postes, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'au fond, il a cet avantage de savoir lire, de savoir écrire, d'avoir... Et d'avoir quand même une famille... C'est vrai, il connaît un certain nombre de gens. Il est à Philadelphie depuis déjà longtemps, c'est un poste politique. Et c'est à partir de là qu'il devient le représentant de la Pennsylvanie. Il est envoyé à Londres et en ce sens, il règle ou il tâche de régler les différends qui peuvent exister entre les propriétaires de la colonie, c'est la famille Penn, d'où le terme de Pennsylvanie. La colonie appartient à une famille. Exactement. La Pennsylvanie, c'est la forêt des Penn. Oui, c'est-à-dire que c'est un territoire qui a été accordé à William Penn à la fin du XVIIe siècle. Donc, ça appartient à la famille Penn. Et alors, il est évident que les propriétaires ont des exigences sur le fonctionnement de la colonie et que les habitants des colonies résistent. Donc, Benjamin Franklin tient une place importante dans cette affaire. C'est pour cela qu'il va à Londres. Et c'est aussi pour cela qu'il essaye de trouver une solution aux questions qui opposent les colons à la métropole. D'où son projet d'union entre les colonies et l'Angleterre qu'il a proposé dans les années 1750. Et puis vient cette guerre franco-anglaise qui est mondiale. entre 1757 et 1763, ce qu'on appelle la guerre de 7 ans. On oublie parfois en France que cette guerre de 7 ans a beaucoup coûté à la France. Non seulement nous avons perdu le Canada, mais nous avons aussi perdu l'Inde. C'est-à-dire que il n'est resté de cette présence française en Inde que les 5 comptoirs qui, à leur tour, ont été cédés à l'Inde en 1955. C'est dire que, vraiment, nous sommes là presque dans l'histoire contemporaine. Et il est évident aussi que Benjamin Franklin, à partir de ce moment-là, reste profondément lié à l'Angleterre, tout en ayant un différent avec sa métropole. Il ne pense pas forcément à la France. Et on ne pense à la France qu'à partir du moment où les colons s'opposent à l'Angleterre, c'est-à-dire petit à petit, dans les années 1760, puis dans les années 1770. Alors, tout cela fait que Benjamin Franklin réunit, en somme, 3 qualités. La première qualité, tout d'abord, c'est d'être un savant, mais un savant expérimentateur. Il s'intéresse à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'on lui raconte. Par exemple, à la fin de sa vie, il s'est beaucoup intéressé aux montgolfières. Par exemple, à la fin de sa vie, il a eu une idée. Il devait porter des lunettes pour voir de près et il devait porter des lunettes pour voir de loin. Alors il s'est dit, pourquoi est-ce que j'aurais 2 paires de lunettes? Peut-être qu'avec une seule, il suffirait de couper les verres en deux. Il a donc inventé les bifocales. C'est vrai que c'est lui qui aurait inventé la bibliothèque de près? Il a également inventé la bibliothèque de près, mais ça c'est à Philadelphie. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'au fond, puisqu'il sait lire, puisqu'il est imprimeur, puisqu'il est postmaster général, il veut mettre la littérature ou l'histoire à la portée de tous. Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, à chaque fois, il fait des choses qui sont très simples. Mais alors, c'est un véritable philanthrope. Et là, le franc-maçon transparaît fortement sous le... Évidemment, le fait d'être franc-maçon le tourne vers la philanthropie, mais ça lui permet aussi d'avoir beaucoup de relations, non seulement en Angleterre, mais également en France. Alors, je disais que c'est un savant, c'est un homme politique, et surtout, pendant ses 9 années en France, c'est un extraordinaire communicant. C'est un homme qui connaît les relations publiques sur le bout des doigts. Et qui va rendre les États-Unis, les tout jeunes, tout nouveaux États-Unis, sympathiques. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous apprenons à connaître celui qui a représenté les États-Unis entre 1776 et 1778 en France. C'est Benjamin Franklin. Nous allons plus loin, nous en savons plus maintenant sur sa jeunesse et sa personnalité grâce à André Caspi, votre invité. Il faut que nous disions, André Caspi, à quel point Benjamin Franklin, vous nous dites qu'il a beaucoup de succès à Paris, tout le monde veut s'habiller comme lui, en tout cas on parle de ses costumes, on raconte ses bons mots, etc. Mais il faut dire que c'est une sorte de géant sympathique. Il n'est pas très beau, mais il est très grand, il a une santé d'acier pour son âge, pour son grand âge, ses cheveux longs, etc. Bref, c'est une personne qu'on remarque. Quel est son tempérament, si je puis dire? Écoutez, c'est un homme très aimable, qui adore les compliments et qui sait les donner. C'est un homme qui sait s'adapter à cette situation particulière qui est d'être l'envoyé d'une république dans une monarchie, d'être le représentant d'une culture protestante dans un pays qui est quand même très catholique, qui est la fille aînée de l'Église. Donc tout cela veut dire que il sait aller à l'encontre des obstacles les plus forts qui pouvaient s'élever contre sa mission. Alors il rencontre beaucoup de dames, il rencontre beaucoup de messieurs, surtout les dames d'ailleurs. Il avait beaucoup de succès auprès des dames. C'est un séducteur absolument incroyable. On n'est pas revenu sur toutes ces histoires avec sa femme, ses maîtresses, ses enfants naturels. Je parlais de ça. Établir sa filiation est très complexe. Il a des enfants naturels partout qui eux-mêmes vont en avoir d'ailleurs à leur tour. Oui, alors, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très différent des autres pères fondateurs. C'est-à-dire que par rapport à George Washington ou par rapport à Thomas Jefferson, il n'est pas un aristocrate. Il n'est pas un planteur de Virginie. C'est un homme qui vient d'ailleurs, qui, comme je l'ai dit, est un self-made man, même si le terme n'existait pas à l'époque. Et qui, en somme, a eu aussi des malheurs dans sa famille. Parce que son fils a décidé de ne pas soutenir l'indépendance des États-Unis. Il est resté loyaliste à la Grande-Bretagne. Alors avouez franchement que c'est un obstacle pour le père, et d'ailleurs un obstacle qui lui a nui. Le petit-fils, évidemment, est resté fidèle au grand-père, mais le petit-fils n'a jamais eu non plus une très belle carrière. On lui rappelait au petit-fils que son propre père avait trahi. Donc, vous voyez, c'est une famille complexe. Très complexe, oui. Qui ne peut pas être comparée exactement à la famille de Washington ou à la famille de Jefferson. Alors, justement, Franklin représente, lui, la Pennsylvanie dans ce comité qui a été créé à l'été 76, les fameux pères fondateurs dont vous parliez. Jefferson représente la Virginie, Adams le Massachusetts. Il y avait qui d'autre ? Sherman, donc, dont vous nous parliez tout à l'heure. À vrai dire, ils étaient cinq, mais à vrai dire, le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance, c'est Thomas Jefferson. C'est le plus jeune, il est juriste, on lui confie la tâche, les autres sont là pour donner leur bénédiction. On ne peut pas dire que Benjamin Franklin ait beaucoup agi dans la rédaction de la Déclaration d'indépendance. Mais il bénéficiait néormoins de l'extraordinaire rayonnement que cette déclaration avait donné à ceux qui l'ont... N'oubliez pas que c'est le seul Américain qui ait signé la Déclaration d'indépendance, le traité d'amitié avec la France, la Constitution des États-Unis en 1787, c'est-à-dire qu'au fond... Tous les actes fondateurs, il les a signés. Et cette constitution, il participe aussi à sa rédaction, comme pour la déclaration. Hein. Mais de loin. De loin, oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas le président de la convention de Philadelphie en 1787, parce que le président, c'est Washington. Mais il est le sage. Il est l'homme qui adore raconter des anecdotes. Et il donne le là, il donne l'esprit des choses, quand même, oui, ça n'est alors, pas négligeable. Il y a sa phrase célèbre en disant « Les peintres n'ont jamais su très bien distinguer le soleil couchant du soleil levant, mais en regardant la présidence de cette convention et le soleil qui est derrière, j'ai compris que c'était un soleil levant. » Alors évidemment, avec ça, il peut passer à la postérité. Eh oui, il avait tout pour passer à la postérité. Il faut dire que l'almanach qu'il faisait, l'histoire du bonhomme Richard, évidemment, l'avait peut-être formé à ce genre de simplification. Mais j'ajouterai un point, si vous me le permettez, c'est que sa réputation en France a été très très forte. Et lorsqu'il est mort en 1790, à la Constituante, on lui a rendu hommage et on a décrété un deuil de 3 jours. C'est Mirabeau a prononcé l'éloge funèbre de Benjamin Franklin. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sa concurrence posthume, de sa concurrence dans la postérité avec Voltaire, parce que certains se sont demandé jusqu'où la figure de Franklin n'avait pas joué un rôle dans l'avènement des événements de 89-90. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait dire aussi que Thomas Jefferson a tenu une place essentielle, parce que c'est lui qui a traduit les notes sur la Virginie. Mais d'un autre côté, la popularité, c'est quand même celle de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin meurt le 17 avril 1790 à Philadelphie, bien entendu. C'est à Philadelphie que nous allons dans un instant avec Lorena Marthe. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et nous allons découvrir donc les pas de Benjamin Franklin à Philadelphie. Suivez-nous, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en vidéo sur europe1.fr pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et notre guide, c'est Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Alors, tout à l'heure, André Caspi le disait bien, c'est à Boston qu'est né Benjamin Franklin. Il n'arrive à Philadelphie qu'à 17 ans. Oui, à 17 ans, où il est embauché comme un apprenti imprimeur, vous l'avez dit. Et il va y passer le reste de sa vie, même si bien sûr... Il s'absente à plusieurs reprises et son souvenir est encore bien vivant dans la ville. Il y a notamment des itinéraires de visites. Des itinéraires Franklin, voilà, ça s'appelle comment ? Sur les pas, Walking in Franklin's Footsteps. Marcher dans les pas de Franklin. Voilà, dans les pas de Franklin. Et donc, il y a toutes les informations sur visitephilly.com, visitephilly.com. Vous avez toutes sortes de visites guidées. Alors j'imagine que tout ça part de l'Independence Hall. Exactement. En fait, la plupart des sites liés à Benjamin Franklin sont situés sur le parc national historique de l'indépendance. Mmh. Donc le parc est situé au cœur de la ville. Ils sont faciles à visiter à pied sur toute une journée. Il y a bien sûr donc l'Independence Hall, qui est un bâtiment de briques rouges qui date du XVIIIe siècle et aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus par sa dimension historique et par son importance fondatrice que par son intérêt purement architectural. Exactement, entre mais nous on peut y voir notamment la chaise du soleil levant dont vous parliez juste à l'instant de George Washington. Et on peut aussi voir l'encrier original utilisé pour signer la Déclaration d'indépendance et un projet original de constitution. La toute première constitution, les quatre pages sont exposées aussi. aussi, hein, au National Constitution Center. Oui, exactement. Et alors, il faut aller dans cet ensemble de, comment pourrait-on dire, de centres d'interprétation, musées, qui s'appelle le Franklin Court. Exactement, et c'est là que se trouvait l'ancienne maison familiale de Benjamin Franklin. Il y a vécu de 1763 à sa mort en 1790, et elle a été malheureusement, bien sûr, détruite, puis reconstituée. C'est une grande demeure, là encore, bien sûr, en briques, et on y a bâti la vieille poste, et à côté, on peut voir la reconstitution d'une petite imprimerie. On découvre là encore la facette d'imprimeur et de journaliste de Benjamin Franklin. On peut se rendre également à la vieille poste, hein, Old Post Office, qui est la seule poste coloniale des États-Unis. Et c'est Benjamin Franklin qui avait été nommé donc maître des postes, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et le cadre est resté tel quel, et on peut encore envoyer des courriers cachetés à la signature de Benjamin Franklin. On peut se rendre bien sûr à la Christ Church, où est enterré Benjamin Franklin. Il est enterré dans le petit cimetière attenant cette église, et c'est une ancienne tradition porte-bonheur d'ailleurs de lancer un penny sur la tombe de Benjamin Franklin. Et cette église, c'est la fontaine de Tréville au cas. Ouais, exactement, et cette église avait été financée par une loterie que Benjamin Franklin avait organisée. Mais tout à l'heure, en ouvrant cette émission, j'ai dit à nos auditeurs que vous alliez nous parler de la City Tavern. C'est ça que nous attendons donc. C'est la reconstitution de la taverne du 18e siècle où Franklin et les autres pères fondateurs avaient dîné, débattu, discuté de divers sujets. Et c'est là, notamment, qu'en 1787, le banquet de la Constitutional Convention s'est tenu. Et le bâtiment avait pris fin au 19e siècle et avait dû être reconstruit. Il avait pris feu, surtout. Il était en flammes. Il a une réplique exacte de la taverne originale. Et le chef de cette taverne, il sert encore aujourd'hui des plats inspirés des recettes que les pères fondateurs appréciaient, notamment les biscuits à la patate douce qu'appréciait Thomas Jefferson. Ah bon ? Et le chef aussi a fait des recherches pour recréer un petit peu les boissons que les pères fondateurs appréciaient beaucoup. C'est assez étonnant, cette espèce de mythologie qui s'est peu à peu développée, on peut le dire, autour de cette naissance des États-Unis. Quand vous allez aujourd'hui encore à Versailles, vous remarquerez que le pourcentage de visiteurs américains est particulièrement élevé par rapport à ce qu'on peut voir dans tous les musées ou monuments en France. C'est tout simplement parce que les Américains viennent là aux sources même de la naissance de leur État, bien sûr. Hein. N'oublions pas ce qui s'est passé à l'hôtel Berthier, dans l'actuelle rue de l'Indépendance américaine. Là, nous étions à Philadelphie, à la City Tavern, à la Christ Church, à la Old Post Office, etc. Sur les pas de Benjamin Franklin. Merci beaucoup, Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors, on revient en France avec aujourd'hui un retour aux origines d'une expression. Cette expression, on en parlait en début d'émission, belle lurette. Vient d'où ? Ça vous fait rire, cette expression. C'est vrai que l'origine, pour tout vous dire, est un petit peu floue. Le mot lurette viendrait de heurette. Une heurette, c'est une petite heure. Et donc, si vous dites il y a belle lurette, ça voulait peut-être dire il y a une bonne heure, tout simplement, une belle petite heure. On retrouve en 1875 l'expression « bellerette » sous la plume d'André Theurier, qui est un des auteurs de la Revue des Deux Mondes. 1er novembre 1875, je cite « Ce ne peut être une grive, les sons sont trop énergiques. Quant au rossignol, il y a belle heurette, il ne chante plus. » Il faut vraiment aller dans le TLF hein, pour aller retrouver ce genre de choses. Le trésor de la langue française, il faut vraiment aller les chercher. Hein. Alors au fil du temps, le mot lurette apparaît et il apparaît de façon absolument officielle en 1877. J'espère que vous retiendrez cette date parce que c'est une date extrêmement importante. C'est la date d'entrée du mot lurette dans le vocabulaire français. J'espère que Isabelle Quenin va en faire son miel. Alors donc, belle lurette, ça donne lurette. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, l'usage courant utilise uniquement l'expression familiale « il y a belle lurette que ». On n'emploie pas le terme autrement. Belle lurette est également le nom d'un opéra comique, opéra inachevé de Jacques Offenbach. Mmh. Cette pièce en trois actes a été complétée par Léo Delibes. Elle a été jouée pour la première fois à Paris, au Théâtre de la Renaissance, le 30 octobre 1880. Il y a belle lurette. Oh là là, je savais que vous le feriez à ma place et que vous m'épargnerez cette infamie publique. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.